C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Sugar Daddy, une fiction écrite par Leslie Menahem, réalisée par Sophie Haute-Picon et Al Nuro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale, Muriel Perez. À la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga et Victoria Asper.